Alors, ce matin, comme vous l'avez reçu dans votre courriel, nous allons considérer un thème qui est excessivement important. On sait que la devise de cette année nous incite à marcher d'un même pas. C'est ce qu'on veut viser cette année en tant qu'Église. Marcher d'un même pas. Et ça nécessite, bien entendu, des actions bien, bien précises. Et ce matin, nous allons considérer encore ce thème-là, parce que c'est excessivement important qu'en tant qu'Église, nous apprenions à marcher d'un même pas. Et le texte que je vous ai envoyé hier, sur lequel je veux tabler et tirer du livre d'Amos dans l'Ancien Testament. Alors, le livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 3. Amos écrit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? » Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On voit que dans notre société, il y a des conventions. On ne fonctionne pas comme on veut, chacun de notre bord, puis chacun de notre manière. On a besoin les uns des autres dans notre société et encore à plus forte raison dans l'Église. Et c'est là où on voit que c'est important, en tant qu'Église, d'apprendre à marcher ensemble. On voit aussi dans le livre des Juges, au chapitre 21 et au verset 25, ça va servir d'introduction avec Amos 3:3. Dans le livre des Juges, au chapitre 25 et le dernier verset du livre des Juges, nous révèle quelque chose qui va aller dans la même idée, c'est-à-dire qui va nous aider à mieux comprendre pourquoi que c'est important de s'entendre, d'apprendre à marcher d'un même pas. Il nous est dit à la fin du livre des Juges, et si vous avez lu le livre des Juges, j'espère que vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à lire l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, c'est le document sur lequel notre Nouveau Testament est fondé, parce que s'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament, comment on aurait pu savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde? Comment on aurait pu savoir que Jésus-Christ est venu dans le monde suite à des promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, à la nation d'Israël? Comment on aurait pu savoir comment Dieu agissait avec son peuple? Alors, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, si vous avez lu le livre des Juges, vous vous êtes rendu compte qu'il y a un dénominateur commun dans les Juges. Les Juges, quand Dieu suscite un juge en Israël, les Israélites fonctionnent assez bien. Ils ont des victoires, ils sont fidèles au Seigneur, mais à la mort du juge, ça se relâche. Et là, il tombe dans le trouble. Et là, Dieu suscite un autre juge. Il se relève. Le temps que le juge est là, et pas longtemps après que le juge soit décédé, ça retombe. Et tout au long du livre des juges, ce sont les montagnes russes que nous avons. Fidélité, infidélité, fidélité, infidélité. Et à la fin du livre des Juges, le dernier verset du livre des Juges, il nous est dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » En ce temps-là, il n'y avait pas de leader en Israël, puis chacun y allait selon ses convictions, selon ses croyances. Mais ça ne marchait pas. Alors, on voit que pour que ça fonctionne, il faut premièrement s'entendre. Alors nous, à l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, on a un document qui s'appelle « Bienvenue dans la famille ». Vous allez voir sur votre écran cette page du document « Bienvenue dans la famille ». Ce document-là, c'est le document qu'on se sert pour préparer les gens à devenir membres de notre Église. « Bienvenue dans la famille ». Et dans ce document-là, eh bien, on a la deuxième diapositive, qui n'est pas nécessairement la deuxième page, le manuel du membre. Et on voit qu'on a dans cette page-ci et la page suivante la raison d'être de ce document-là, le but du manuel. Alors, il y a le portrait de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. On vous raconte l'histoire de l'Église depuis ses tout débuts. La mission de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, notre alliance en tant que membre de l'Église baptiste évangélique et les différentes fonctions qui sont en lien avec une Église et qui vont aider l'Église à se structurer et à fonctionner de manière à ce que tout puisse se faire dans l'ordre. On voit aussi au point 3, pourquoi est-ce qu'on doit devenir membre? Pourquoi devenir membre? Les privilèges, parce qu'il y a des privilèges à devenir membre de l'Église. Il y a des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. Des responsabilités, on en a. Et puis, on voit qu'il y a aussi la discipline dans l'Église. La discipline ne serait pas possible si l'Église n'était pas un corps vivant, qui n'était pas un corps actif. Si on n'avait pas convenu ensemble de marcher ensemble, eh bien, on ne pourrait pas exercer la discipline. Alors, devenir membre n'est pas une option. Devenir membre, c'est en lien, on le voit dans l'Écriture. Un peu comme certaines doctrines de la parole de Dieu, c'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, vous devez devenir membre d'une église locale. Et souvent, ce que j'entends, c'est que quand il n'y a pas des titres comme cela, aussi précis que cela dans la parole de Dieu, on dit que ce n'est pas dans la Bible. Attention, attention, le principe est là. Et nous, en tant que chrétiens, on doit rechercher à suivre les principes de la parole de Dieu. Le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible. Mais je défie toute personne qui viendrait me dire que la Trinité n'existe pas, qu'il n'y a pas un seul Dieu en trois personnes, la parole de Dieu est pleine de versets, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui confirment que Dieu s'est manifesté en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas juste dans Matthieu 28, à la fin du chapitre, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », que là, c'est le seul verset sur lequel on s'appuie pour enseigner la doctrine de la Trinité. Alors, la Trinité, elle est là dans la Bible. Il y en a qui nous disent « Il n'y a pas d'enfer, la Bible n'utilise pas le mot « enfer ». Oui, c'est vrai, le mot « enfer » n'est pas dans la Bible, mais le principe est là dans la Bible. Et on n'a pas le choix, on ne peut pas passer à côté. Quand il dit, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles », ben, laissez-moi vous dire, c'est l'enfer. C'est l'enfer. « Ils seront tourmentés jour et nuit » au siècle des siècles, ou quand Jésus va dire dans Matthieu 25, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Vous n'avez peut-être pas le mot enfer, mais vous avez le principe qui est là. Et il y a d'autres doctrines comme ça qu'on n'a pas explicitement le mot dans la Bible, mais le principe est là. Et là, je reviens à ce qui nous touche ce matin. Devenir membre de l'Église en tant que tel, on pourrait me dire, où tu vois ça dans la Bible? Ben oui, je le vois dans la Bible. Pas nécessairement en mots bien épelés, mais en principe, je le vois dans la Bible. Alors, on va regarder à la prochaine page, et là, on voit le but du manuel. Alors, le but du manuel, il nous est dit ici, et ce manuel-là, on va le retravailler. On va le retravailler pas pour les grands principes. Écoutez, le manuel a 8 ans. Et en 8 ans, il s'est passé bien des choses, et au niveau de la structure, on va devoir retravailler des choses, on va retravailler cela, on va présenter ça à l'Église éventuellement. Mais beaucoup de notions de base. Sur la question de la doctrine, ça ne changera pas. Sur la question de beaucoup de principes, ça ne changera pas. Alors, le manuel qui avait été adopté en septembre 2014 risque de vous être représenté en septembre 2022 pour qu'on puisse s'ajuster avec la réalité de 2022. S'ajuster avec la réalité de 2022 ne veut pas dire qu'on va prendre ce manuel-là, on va l'envoyer dans la déchiqueteuse, puis on recommence à zéro. On ne réinventera pas la roue. Il y a des bonnes choses dans le document, des choses très à jour. Ça a été fait avec minutie. Les gens qui ont travaillé à ce document-là ont fait un travail extraordinaire. Nous, on fait juste réajuster pour les réalités qui sont les nôtres en 2022. Et j'espère... Et je prie, et je vous demande de prier pour ceux qui vont travailler au niveau document, afin que nous restions attachés à la parole de Dieu, afin que nous fassions en sorte que ce document-là, qui sera rafraîchi, soit un outil entre les mains de chaque chrétien de notre assemblée pour qu'on puisse marcher ensemble d'un même pas, pour qu'on puisse ensemble convenir d'une marche qui glorifiera le Seigneur et qu'on ne se laissera pas emporter à tout vent de doctrine et que chacun d'entre nous partira pas par son propre chemin parce qu'à quelque part, il n'y a pas de ligne directrice. Ce document va nous donner une ligne directrice. Alors, le but du manuel, qui devrait rester absolument le même, c'est de s'assurer que ceux qui veulent devenir membres comprennent et adhèrent. Adhèrent de tout cœur. J'aime ce qui est écrit ici. S'assurer que le candidat comprenne et adhère, accepte de fonctionner selon ce qui est dans ce document-là. Notre credo, adhère à notre credo. Notre credo, c'est notre confession de foi. Ça, ça ne changera pas. Si vous avez le document entre vos mains et que vous allez le voir, c'est basé sur la parole de Dieu et c'est ce qu'on veut, c'est rester accroché aux Écritures. C'est la partie pour l'Église qui est peut-être la plus importante. Notre credo, ce qu'on croit. Ce qu'on croit, ce que la parole de Dieu nous dit et ce à quoi nous voulons nous soumettre, ce que nous voulons obéir. Notre mission, j'espère que celui-là non plus ne changera pas. Allez le lire, le document. On a une mission en tant qu'Église. Et notre mission, et d'être, bien entendu, un peuple de Dieu qui va l'honorer dans notre société, mais aussi qui va faire en sorte que les gens autour de nous vont entendre parler de l'Évangile. Les gens ont besoin de l'Évangile. On met beaucoup d'argent ces temps-ci pour aider les gens à traverser la pandémie. On dit que psychologiquement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont affectés par la pandémie, et c'est compréhensible. Mais est-ce que ce n'est pas encourageant pour nous qui sommes chrétiens de savoir que notre Dieu est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut? Est-ce que ce n'est pas encourageant pour nous de savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Ça, là, ça nous permet de traverser à travers les moments difficiles qu'on passe avec sérénité. Je ne peux pas dire autrement que si ce matin vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, si vous êtes comme angoissé par ce qu'on vit maintenant socialement, bien la parole de Dieu, là, elle vous a été donnée comme elle m'a été donnée. C'est pour tous les hommes. Et ce que Dieu veut pour tous les hommes, c'est que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité, puis qu'ils trouvent en Jésus la paix. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, puis il dit, je vais vous donner du repos. » Moi, je pense à travers la pandémie, tout comme vous, je ne trouve pas ça plus drôle que vous, mais à quelque part, je le sais, que mon Sauveur est avec moi puis qu'il va me garder. Je sais que, comme on peut lire à la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, que ni la vie ni la mort, que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus-Christ, pardon. Alors, c'est une assurance, c'est un réconfort. Et ça m'aide à passer à travers la pandémie. Et je vous invite ce matin à venir à Jésus et à lui remettre vos soucis, à vous appuyer sur ses promesses. Vous allez passer à travers la pandémie comme je passe à travers cette pandémie, en ayant cette certitude que Jésus vous accompagne. Si vous vous mettez sous son aile, il va vous amener à travers ces moments difficiles. Et c'est une de nos missions. Notre mission en tant que chrétien, c'est de répandre cette bonne nouvelle-là que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et Paul dit, « Donc je suis le premier. » Dans la version anglaise, j'ai trouvé ça intéressant, dans la version King James, il dit, « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le chef. » Je trouve ça intéressant, l'idée du chef des pécheurs. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que si Dieu a sauvé le chef, si Dieu a sauvé le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs, bien, il n'y a pas un pécheur que Dieu ne peut pas sauver. Parce qu'il a sauvé le chef, il a sauvé le premier des pécheurs, celui qui était le plus grand des pécheurs et qui se considérait le plus grand des pécheurs. Alors, venez à lui. Jésus l'a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et c'est ça ma mission, c'est ça notre mission collectivement, de faire connaître à notre monde que Jésus est venu dans le monde pour les sauver. Il y a notre organisation. Alors là-dedans, on va voir comment nous autres, ensemble, on a convenu de fonctionner. Et bien entendu, les principes qu'on va mettre en place sont des principes qui sont basés sur la parole de Dieu ou qui ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu. Ma réalité à Victoriaville aujourd'hui et la réalité de mes frères, par exemple, à Madagascar, de mes frères en France, de mes frères dans les pays de l'Est, n'est pas la même. Alors, il faut ajuster notre constitution, nos statuts et règlements avec notre milieu. Et ça s'appelle notre organisation. Alors, là-dessus, la parole de Dieu n'a pas de choses précises à dire, sinon que il faut faire attention, et c'est là aussi un sujet de prière, pour que nous n'allions pas au-delà de la parole de Dieu. Un des dangers qu'on voit souvent, c'est que là, on introduit des nouvelles traditions, puis la tradition prend plus de place que la parole de Dieu. Que Dieu nous protège de tomber dans ce piège-là. Qu'on ne mette pas sur les frères et sur les sœurs un fardeau que la parole de Dieu ne met pas. Mais dans notre organisation, dans nos règlements généraux en tant qu'Église, prier pour qu'on mette des choses qui vont contribuer à tisser des liens encore plus forts entre nous et à pouvoir ensemble avancer d'un même pas et de savoir que Dieu est glorifié là-dedans. Donc, il nous dit ici après, le but du manuel, c'est de s'assurer que le candidat comprenne et accepte les privilèges et responsabilités des membres. Alors, il y a des privilèges, mais il y a aussi des responsabilités. Et nous, si vous voulez devenir membre à l'Église, il faut que vous acceptiez cela. Il faut que vous acceptiez cela parce que faut s'entendre. Il faut marcher ensemble. Puis pour marcher ensemble, il faut en convenir. On ne peut pas se lancer à la bonne franquette dans une aventure sans se mettre des balises. On en a besoin de balises. Et l'objectif de ce document-là, c'est d'en mettre des balises, mais des balises qui seront orientées vers les enseignements bibliques et aussi qui contribueront au rapprochement que nous devons avoir les uns les autres. Alors, dans la société, il y a des choses qui font mon affaire, puis il y a des choses qui ne font pas nécessairement mon affaire, que je ferais différemment. Mais Dieu m'a placé dans une société, et en tant que citoyen dans ma société, il y a des choses que moi, je dois faire, parce que à quelque part, je vis dans cette société-là et je dois me plier à ce que les dirigeants de ma société me donnent. Dans l'Église, on est une petite société, l'Église locale, bien entendu, que je parle, on est une petite société, on se donne des statuts, des règlements, puis ça va être important qu'ensemble, on marche dans ces statuts et règlements. Et on a un principe dans une Église évangélique, dans une Église locale, c'est que les choses qu'on va faire vont être appuyées par la parole de Dieu. Alors ça, c'est important. Mais si jamais c'est des choses qui, bon, c'est pas écrit dans la Bible, il y a quand même le principe de se soumettre aux autorités. Donc, il y a des gens qui sont en place, et on va le voir dans les prochains enseignements plus tard, Dieu a mis en place des gens qui vont donner une direction à l'Église. Et ma responsabilité, c'est de marcher selon ce que ces gens-là vont mettre en place pour mon bien. Si jamais, en tant que chrétien, je me rends compte qu'il y a quelque chose que ça va vraiment à l'encontre de la parole de Dieu, j'ai aussi la responsabilité d'aller voir les responsables et de leur exposer. Et ce qui peut arriver, c'est que oui, on va changer si jamais on se rend compte que ça ne tient pas la route, mais d'un autre côté, peut-être que Dieu va vous permettre de voir dans quel angle le conseil ou les anciens, les diacres ou encore le conseil d'administration ou ceux qui auront travaillé au document, qu'est-ce qui les a amenés vers telle décision plutôt qu'une autre? Et peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, oui, dans le contexte actuel, ce serait préférable qu'on fasse cela. Ou, je l'espère, si jamais quelqu'un vient montrer que le principe n'est absolument pas biblique, et que le principe même vient à l'encontre de la parole de Dieu, vous avez la responsabilité en tant qu'individu à venir nous voir. On ne part pas en cabale devant toute l'Église, là, puis on ne commence pas à murmurer chacun de notre côté, puis de dire « Hey, t'as-tu vu ce qu'il y avait dans le document, là? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Tu dis ça, tu chuchotes ça à l'oreille de l'un, puis l'autre le chuchote à l'oreille de l'autre, puis là, il y a la fameuse réaction du téléphone, là, on ne sait pas comment ça va aboutir en bout de ligne. On a une responsabilité, et il y a un principe biblique que Jésus a lui-même enseigné. Il y a quelque chose qui ne marche pas? Mais va voir la personne concernée, puis parle-lui-en. La personne concernée ne veut pas t'entendre? Prends avec toi un frère, une sœur, retourne le voir, essaie de l'amener à comprendre que ce qu'il fait n'est pas selon les principes de la parole de Dieu ou est à l'encontre de la parole de Dieu ou nuit au témoignage de l'Église. Il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre. Bien, là, tu pourras aller plus loin. Là, tu pourras amener ça à l'Église. Et là, on espère que ces situations-là vont arriver le moins souvent possible. Il y aura discipline. Mais quand tu auras passé tout cela, c'est-à-dire, tu es allé voir ton frère, tu as réglé ça avec ton frère, puis ça s'est réglé, gloire à Dieu. Ça ne s'est pas réglé, tu es retourné avec quelqu'un d'autre, et là, le frère, entre-temps, ou la sœur, entre-temps, a réfléchi, puis là, elle dit, ou il dit, ouais, après avoir vraiment médité sur la parole de Dieu, puis après avoir regardé attentivement, oui, je réalise, va peut-être dire, je ne recommencerai pas, va peut-être dire, je vais demander pardon, dépendamment de la situation, bien entendu. Mais là, tu as gagné ton frère, ça c'est quelque chose, tu as gagné ta sœur, c'est quelque chose, c'est merveilleux. Puis si ça doit aller à la discipline, que ça soit fait avec amour. Que ça soit fait avec amour, avec compassion. On a tous, tristement, nos lacunes. Et que Dieu nous aide, que la discipline soit là pour ramener le frère, pour ramener la sœur dans le droit chemin. Mais pour exercer la discipline, moi, je ne peux pas exercer la discipline sur quelqu'un qui n'est pas membre. Je ne peux pas rien faire. Je peux l'avertir, mais il n'est pas tenu de m'écouter. Il n'est pas membre. Je ne peux pas dire, je vais l'amener à l'église, aller voir les anciens dans l'église, puis dire aux anciens, Joe Intel, là, ça ne marche pas son affaire, puis il n'est pas correct. La pire chose qui pourrait être faite, ou la pire décision qui pourrait être prise, ou la décision la plus forte, ce serait de dire à la personne, écoute, si tu ne changes pas ton comportement, on te demanderait de ne pas venir à l'Assemblée. On te demanderait de ne pas te présenter au local. Mais on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas le mettre en discipline. Il n'est pas membre. Alors, on voit qu'il y a une importance à devenir membre. Donc, sans s'assurer que le candidat qui souhaite devenir membre accepte les privilèges, mais qui accepte aussi les responsabilités des membres. S'assurer que le candidat comprenne bien les conditions et les procédures pour devenir membre. Qu'il ne vienne pas me dire 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans après qu'il est devenu membre, je me suis fait embarquer. On n'embarque pas personne, nous, à l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Vous allez venir à l'Église de votre propre gré, et c'est vous qui allez prendre la décision de venir. On n'aura pas de cachette. C'est pas une société secrète. Il n'y a pas de mystère. J'aime bien, moi, quand Jésus se retrouve en jugement, et puis qu'il dit aux chefs religieux, il dit, j'ai parlé ouvertement. J'ai jamais parlé en secret. Allez demander à ceux qui m'ont entendu. Bien, on veut garder cette attitude-là, nous, ici, à l'Église, être transparent Alors, il y a peut-être des choses que, à quelque part, vous n'aurez peut-être pas entendu, parce que si vous venez pendant 2 mois, 3 mois, vous n'aurez pas tout entendu. Mais de façon générale, vous allez vous rendre compte qu'on ne cherche pas à embarquer les gens, puis en leur disant ce que j'ai déjà entendu, pose pas de questions, là, viens-t'en, puis tu vas voir, laisse faire, pose pas de questions. Non, tu as des questions, pose-les. Mais le but du manuel qu'on a, le but du manuel qu'on va rafraîchir, vont rester le même. Le but du manuel, c'est que vous compreniez que les gens qui vont joindre l'Église, que toi qui es membre de l'Église, que tu comprennes bien les conditions et les procédures des membres pour devenir membre. Alors ça, c'est important. S'assurer que le candidat rencontre les conditions essentielles pour devenir membre. Alors, ça aussi, c'est important. C'est important. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils n'en ont pas convenu? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que on va te présenter dans ce document-là les conditions. Va, lis le document, prends-en connaissance. C'est pas un secret, ce document-là. C'est pas réservé à une élite. C'est pour chaque personne qui veut devenir membre de l'Église. Alors, tu vas savoir dans quoi tu t'embarques. Et c'est ça qu'on veut, que tu saches dans quoi tu t'embarques. Ce qu'on veut, c'est qu'on marche d'un même pas. Ce qu'on veut, c'est qu'on convienne ensemble de marcher ensemble. S'assurer que le candidat s'engage à participer activement et joyeusement à la vie de l'Église. Participer activement. Le document, c'est quelque chose qu'on va avoir dans notre tête, mais qui doit produire quelque chose dans nos jambes. On ne vient pas à l'Église pour s'asseoir sur des bancs. Nous, si c'est des chaises. On ne vient pas à l'Église pour s'asseoir sur des chaises. On vient à l'Église parce qu'on a le goût de s'impliquer, d'agir, d'avancer. Hein? Notre devise de cette année, marchons d'un même pas. On ne marche pas sur place, on avance. Et ça, c'est important. Alors, on veut s'assurer que ceux qui veulent devenir membres s'engagent. Vous avez encore une fois le mot « engager ». S'engage à participer activement et joyeusement. On ne tordra pas le bras à personne. Et il faut que ce que tu vas faire, puis on va faire tous nos efforts pour que tu trouves ta place dans l'Église, puis que tu vois ton utilité dans l'Église, puis que tu aies de la joie à servir dans l'Église. L'apôtre Paul a écrit aux Philippiens, alors que lui-même, à ce moment-là, il était en prison. Il n'y a rien de drôle à être en prison. Et dans ce temps-là, ce n'était pas les prisons qu'on a aujourd'hui. Les prisonniers n'étaient pas traités comme les prisonniers sont traités aujourd'hui. Et l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 4:4 quelque chose venant d'un homme qui est persécuté, qui est pourchassé, qui est en prison, qui aurait toutes les raisons de murmurer, humainement parlant, de chialer et de s'apitoyer sur sa condition. Il exhorte ceux qui sont en liberté en leur disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Comment on peut se réjouir dans une telle situation? Bien, en comprenant qu'on est dans la volonté de Dieu. Si vous avez lu le livre des Actes des Apôtres, et j'espère surtout ceux qui sont membres de l'Église, que vous avez lu le livre des Actes des apôtres, les apôtres se sont fait coincer. Les chefs du peuple leur ont dit, là, on va mettre quelque chose de clair devant vous. On ne veut plus vous entendre parler au nom du Seigneur Jésus. On ne veut plus que vous parliez de ce nom-là. C'est clair? Parce que si vous continuez de parler de ce nom-là, nous autres, on va revenir à la charge et on va vous régler votre cas. Il nous est dit dans la parole, dans le livre des Actes des apôtres, que les apôtres se sont retrouvés ensemble, ont prié, et ils étaient joyeux. Joyeux de quoi? Joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus. Ça, là, ça prend vraiment l'Esprit de Dieu pour agir comme ça. Et les chrétiens ont toutes les raisons d'être joyeux en tout temps. Quand moi, je pense à mon salut, au fait que, après ma mort, je m'en vais avec Dieu. Quand je pense, cette semaine, je pensais à mon frère Émilien, qui est soulagé de ses souffrances, qui est avec son Dieu, je l'envie quasiment. Mais je vais attendre que le Seigneur vienne me chercher, parce que si le Seigneur ne vient pas me chercher, c'est que j'ai encore de l'ouvrage à faire sur la terre. J'aime bien ce que un prédicateur anglais, Charles Haddon Spurgeon, que plusieurs d'entre vous connaissez, a dit dans un des textes que j'avais lus. Il dit, « Si c'était la volonté de Dieu que je vive éternellement sur la terre, ça devrait être le ciel pour moi que de vivre éternellement sur la terre. Pourquoi? Parce que mon bonheur en tant que chrétien, c'est de faire ce que Dieu me demande. Puis si Dieu me demande de vivre éternellement sur la terre, je devrais être heureux de vivre éternellement sur la terre parce que c'est Dieu qui me le demande. Et si Dieu me garde ici, c'est qu'il y a de l'ouvrage pour moi. » Et Paul était pris dans ce dilemme-là à un moment donné. Il dit, « Je suis tiraillé. » Il savait que son heure était proche, mais il dit, « Il y a encore de l'ouvrage à faire. » Puis il dit, « J'aimerais être avec le Seigneur, mais il était prêt à rester. » Et il est resté, et je ne sais pas tout ce qu'on a eu de lui après cette parole-là, mais on a été enrichi par le témoignage de l'apôtre Paul que Dieu a utilisé de façon vraiment incroyable. Et le dernier, s'assurer que l'Église vous connaisse suffisamment pour bien vous servir. Donc, on a une responsabilité en tant qu'Église, pas juste de recevoir, mais de donner. Quand on dit ici, s'assurer que l'Église vous connaisse suffisamment pour bien vous servir, l'Église est au service de ses membres. L'Église travaille pour ses membres. L'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Romains, encore une fois, d'user de prévenance réciproque. Aller au-devant des besoins des autres, avant que les autres manifestent leurs besoins. S'inquiéter pour les autres, ça c'est ma responsabilité en tant qu'un chrétien, c'est ma responsabilité en tant qu'Église aussi. Puis on doit s'encourager, chacun d'entre nous, là-dedans. Alors, on voit ici... qu'on doit s'engager à participer activement, joyeusement, puis aller au-devant des besoins des gens. On va tourner un peu plus loin dans le document, parce qu'on devient membre, oui, mais à quelque part, dans le document, il y a une demande d'adhésion. On ne devient pas membre automatiquement. Il n'y a pas personne qui un matin s'est levé puis qui a dit « Ah, me voilà, je suis rendu membre de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, je ne le savais pas, mais là je viens de l'apprendre. » On ne devient pas membre de l'Église sans, premièrement, nous, individuellement, avoir fait la demande. Alors, il y a un formulaire de demande dans ce document-là, il est à la fin. Pas toute fin, mais presque à la fin du document. Et dans cette demande, de membre, pour devenir membre, cette demande d'adhésion, je, dans mon cas, Daniel Bernier, reconnais avoir pris connaissance des règlements généraux de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Je reconnais que son credo est conforme à mes croyances. J'accepte, et là c'est important, j'accepte les conditions et applications des règles et principes de l'organisme et toute autre procédure contenue dans ce règlement. Dans ces règlements. J'accepte. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Ben c'est ça, là. C'est ça, devenir membre. C'est que j'accepte de fonctionner dans mon Église. Et j'en fais la demande aux responsables de l'Église. Je ne donne pas ça à quelqu'un qui est dans l'Église, là, puis que... Et là, l'Église, vous allez le voir dans le document, pour ceux qui vont en prendre connaissance, il y a une procédure à suivre pour qu'on puisse vous accepter comme membre. La procédure, elle est très, très simple. Et on ne vous demande pas d'avoir un bac en quoi que ce soit. On ne vous demande pas d'avoir des hautes études. On ne vous demande pas d'avoir un compte de banque. On vous demande simplement d'adhérer à ce qu'il y a là-dedans. Et de dire, moi, je suis prêt à marcher avec vous en tant qu'Église parce que ce que vous annoncez, ce que vous vivez, ce que vous proclamez, bien, moi, je veux m'associer à ça. Puis je veux faire partie de l'Église. Je veux faire partie de ce regroupement-là. Je veux faire partie avec vous de ce ministère-là, de cette œuvre-là. Je veux trouver ma place dans l'Église, puis je veux fonctionner dans cette Église-là, puis je veux glorifier Dieu dans cette Église-là. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc, on n'entre pas dans l'Église qui il veut, quand il veut, puis à la manière qu'il veut. Il y a un formulaire d'adhésion et le document vous a préparé à prendre une décision éclairée. Maintenant, on revient un peu plus tôt dans le document et là, ça devient important. Les pages que vous avez devant vous à l'écran, eh bien, c'est... Donnez-moi deux petites secondes, je vais revenir dans mon propre document. Alors, c'est au tout début du document, et là, il y a quelque chose qui est très important. Alors, vous avez, à la page 5, notre vision. OK? Alors, dans notre vision, vous avez aussi... notre alliance. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai montré les deux pages telles qu'elles sont. OK? Alors, vous avez la page 5 et la page 6. OK? C'est ce que vous voyez à votre écran. Mais moi, j'ai pris ces textes-là et je les ai remis. J'en ai fait une page. Donc, ce que vous avez là, là, maintenant, l'écran avec la surbrillance en jaune, là, ce sont ces deux pages-là, mais je les ai mis en plus gros pour que vous puissiez les lire parce que ce que j'avais peur, c'est que ça soit à votre écran puis que vous soyez obligé de prendre une loupe pour regarder. Mais ce que j'ai mis ici, c'est notre alliance. Notre alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un accord formel entre deux parties. Alors, c'est un accord qui est formulé avec précision et puis qui, excluant toute incertitude et toute ambiguïté. Alors, une alliance, c'est ça. C'est un accord formel entre deux personnes. Là, vous allez me dire, « Ouais, l'alliance ». T'as pris ça où, toi, l'alliance? Bien, si vous me posez la question, bien, je vais vous donner une réponse. Dans la Bible, le mot « alliance » est utilisé au moins 317 fois. Fait que, c'est là. On n'a peut-être pas Trinité, on n'a peut-être pas Enfer, mais on a alliance. En anglais, j'ai été surpris parce qu'en anglais, le mot c'est covenant. Mais j'ai découvert, c'est bon des fois d'aller étudier les mots puis de regarder un peu plus profondément, que le mot covenant est covenant en français. J'ai été surpris parce que moi, j'étais certain que c'était un mot anglais. C'est aussi un mot français, mais c'est du vieux français. Et ça a exactement le même sens. Vous pouvez aller voir, mais c'est du vieux français. Alors, il y a eu un temps où on utilisait ce mot-là, et ça a le même sens que « alliance ». Le mot hébreu pour « alliance », c'est « berit ». Il est utilisé 284 fois dans l'Ancien Testament. Si vous voulez le faire, ça se fait, vous avez tous des marqueurs. Bien, quand vous le voyez, prenez-le en note ou surlignez-le. Et vous allez voir que dans votre Bible, partout dans l'Ancien Testament, vous allez retrouver ce mot-là, « alliance ». Dans le Nouveau Testament, c'est « diatheke ». « Diatheke », c'est le mot « alliance ». Il est utilisé 33 fois. Et on voit que c'est un engagement entre deux personnes. C'est ça, une alliance. Un engagement, c'est un accord. C'est un pacte entre deux personnes. Et là, le pacte, il était entre, par exemple, Noé et Dieu. Ça, vous allez le voir dans le début du livre de la Genèse. Entre Abraham et Dieu. Entre Isaac et Dieu. Entre Jacob et Dieu. Entre la nation d'Israël et Dieu. Nous, l'Église, on est entré dans la nouvelle alliance. Et c'est toujours un pacte avec Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est une alliance. Et il se retrouve fréquemment dans l'Épître aux Hébreux, où l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous resitue dans le contexte de et l'Ancien et le Nouveau Testament, où il fait des parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et où il nous montre que nous sommes, nous aussi, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, en alliance, dans un pacte avec Dieu, en accord formel entre Dieu et nous en tant qu'Église. Et là, ça devient important. Alors, si vous lisez le texte que vous avez devant vous et que j'ai grossi, c'est notre alliance. Alors, pas de doute, l'alliance, c'est là dans la Bible. Je ne peux pas vous donner tous les versets ce matin. Il y en a 284 dans l'Ancien, puis, comme je le disais, il y en a 33 dans le Nouveau. Mais il y a l'idée d'alliance dans notre alliance en tant qu'Église. Alors, on peut voir que dans ce texte-là, il nous est dit, par exemple, ce qui est surligné, alors, en alliance l'un avec l'autre pour former qu'un seul corps en Christ. OK? Alors, il nous est dit ici que nous entrons maintenant solennellement et joyeusement, c'est bien dit ça, solennellement, c'est quelque chose de sérieux. solennellement et joyeusement. Puis, je ne sais pas qui a pondu ce texte-là, mais je sais qu'il l'a signé, Patrick, Benoît, Steve et Claire ont signé ce document-là. Si quand vous allez l'avoir, si vous prenez la formation incessamment, vous allez retrouver cela. Et moi, je loue Dieu pour la façon dont ils ont rédigé ce texte-là. Il nous est dit, nous entrons maintenant solennellement et joyeusement. Ça, j'aime ça. En la présence de Dieu. Wow! Là, c'est, ils ont poussé encore un peu plus loin, puis j'aime doublement ça. Des anges et de sept assemblées, l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, en alliance l'un avec l'autre. On va regarder ça en tant qu'Église incessamment, la notion de les uns les autres, là. Puis vous allez voir que c'est quelque chose qui est aussi omniprésent dans la parole de Dieu et puis qui est important de comprendre. L'un avec l'autre pour former qu'un seul corps en Christ. Notre Église locale, c'est ça qu'on veut être, un seul corps en Christ. C'est pourquoi, et là il y a un mot important, parce que quand vous allez avoir signé la page qui est avant, c'est que vous allez avoir lu ça, puis vous allez l'avoir accepté. Il est dit ici, c'est pourquoi nous promettons, avec le secours de Dieu, parce que c'est une promesse, puis on a besoin que Dieu nous accompagne pour qu'on soit trouvé fidèle dans cette promesse, d'abandonner les sentiers du péché et de marcher dans ceux de la justice tous les jours de notre vie. Puis c'est ça que Dieu veut de nous. Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, il a dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ça va se faire en Église, ça. On va s'encourager, s'exhorter ensemble dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, ensemble, on veut travailler à ça. On veut devenir le corps de Christ à Victoriaville. On continue dans ce but. Et là, encore une fois, nous engageons à travailler seul. Là, vous vous demandez si j'ai le même texte que vous, hein? Oui, vous avez le même texte que moi. Nous nous engageons à travailler ensemble. Marchons d'un même pas. Ensemble. Travailler ensemble. Et c'est un engagement qu'on prend ensemble. À travailler ensemble à la prospérité de cette assemblée, de cette Église. Et son développement spirituel. Alors, en devenant membre de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville, ceux qui deviennent membres s'engagent à travailler ensemble. Et ça, c'est pas facile, nécessairement. Moi, je vois ça un peu comme... moi, je suis marié. Et puis, je pouvais pas comprendre. Que des gens disent, après le mariage, qu'il y avait des périodes plus difficiles. J'étais un fiancé. Et ma femme, je la regardais, puis c'était pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Mais ma femme, c'était ma fiancée à ce moment-là. C'était impossible qu'on puisse avoir des troubles ensemble. Ça allait toujours rouler comme sur les nuages. Mais, on était deux pécheurs qui se sont retrouvés ensemble. Les deux pécheurs qui se retrouvent ensemble, ça ne veut pas dire que ça va toujours aller comme sur un nuage. Mais il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui. Dans ce temps-là, je pensais que je l'aimais, Mais aujourd'hui, je sais que je l'aime. Ensemble, on a traversé des périodes difficiles. Ensemble, on a dû ajuster notre tir. Puis aujourd'hui, ma femme et moi, on vit une relation qui est nettement plus harmonieuse qu'on a vécue avant de se marier puis dans les premières années de notre vie de couple. Dieu nous a travaillé et Dieu nous a amenés à marcher ensemble. On s'était engagé à cela. Dans le bâtiment ici, en avant, j'ai fait mes vœux à mon épouse pour lui dire que j'allais lui être fidèle dans les bons et dans les mauvais jours. J'ai signé une alliance avec elle. Elle m'a dit la même chose. Et regardez le signe de l'alliance, je l'ai encore à mon doigt. On appelle ça une alliance? Ma femme en a des pareilles. Ah ben, elle est différente, là. Mais c'est nos alliances. Et ça, ce signe-là, on se l'est donné pour dire, tous les jours de notre vie, on va marcher fidèlement l'un envers l'autre. Alors, on voit qu'on a signé une alliance, Christine et moi. Et à un moment donné, l'officiant qui était à ce moment, qui nous a mariés, M. Thomas Carson, nous a fait signer des papiers comme de quoi qu'on s'engageait à mettre en pratique ce qu'on venait de se dire l'un l'autre. Alors, nous nous engageons à travailler ensemble à quoi? À la prospérité de cette Église et à son développement spirituel. Alors là, on a pris un engagement ensemble. On voit à l'autre paragraphe, nous nous engageons aussi à faire des efforts. Faire des efforts, c'est pas acquis. On va travailler. On va y travailler. On va faire des efforts. On va retrousser nos manches. On va y travailler. À faire des efforts pour maintenir le culte domestique, observer la prière secrète, instruire nos enfants. Et voyez-vous, il y a plein de choses. Où est-ce qu'en tant que membre de l'Église, j'ai dit, moi, là, je m'engage là-dedans. Je m'engage. Je rentre en alliance avec l'Église et je vais travailler à cela. Ensemble, j'ai convenu avec l'Église de Victoriaville d'avoir cette attitude-là. On voit aussi ensuite, nous nous engageons à nous abstenir de l'intempérance, à être zélés dans nos efforts pour avancer le règne de Jésus-Christ dans le monde. Un autre engagement qu'on a pris, un autre point de l'alliance dans lequel on s'engage quand on devient membre de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Sur l'autre page, vous l'avez en bas, les deux derniers paragraphes, nous nous engageons de plus à marcher dans la charité fraternelle. On s'engage à marcher dans la fraternité, dans la charité fraternelle, être bons les uns envers les autres, avertissant nos frères qui s'égareront et recevant leur avertissement. Pas juste aller voir les autres, mon frère, là, j'aurais des choses à te dire, là. T'aurais avantage à... Mais accepter que quelqu'un d'autre vienne me dire, Daniel, regarde, tu as dit telle chose, tu as posé tel geste, j'aimerais ça pouvoir prendre le temps de m'asseoir avec toi puis regarder ce que tu as fait, parce que ça n'honore pas le nom de Jésus-Christ et je devrais être, en tant que chrétien, capable d'accepter. Je me suis engagé à accepter que quelqu'un vienne me dire que dans certaines démarches, dans certaines situations, j'aurais besoin de réajuster mon tir. Et il nous est dit ici, en recevant leur avertissement avec douceur et affection chrétienne, à nous souvenir des uns et des autres dans nos prières. Et qu'on a besoin d'apprendre à prier les uns pour les autres. On a besoin d'apprendre cela. Que Dieu nous aide à être trouvés fidèles là-dedans, c'est un engagement qu'on a pris. À nous entraider dans la maladie et dans la détresse où je vous ai demandé. On a notre sœur Hélène là, qui vit un moment difficile. On a d'autres frères et sœurs. La prévenance réciproque va vous faire voir d'autres frères et d'autres sœurs qui pensent un mauvais coton. Soyez là pour les encourager, pour les aider, pour leur offrir votre disponibilité. Et puis, il nous dit à cultiver la sympathie dans nos sentiments et la courtoisie dans nos paroles, à être lent à nous offenser. Lent à nous offenser. Oh, qu'on a besoin d'apprendre. Apprenons à nous aimer les uns les autres profondément, mais à être toujours prêt à la réconciliation. Être prêt à la réconciliation. L'unité de l'Église. Jésus a dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde va voir que vous êtes mes disciples. J'ai beau aller monter sur le toit de l'Église puis crier à plein poumon que Jésus est un sauveur merveilleux, si on se mord les uns les autres, puis on s'attaque les uns les autres, puis on se méprise les uns les autres, puis on ne se soucie pas les uns les autres, mon criage sur le toit de l'Église, c'est un gros zéro. Un gros zéro. Apprenons à vivre ensemble. Apprenons à nous accepter les uns les autres. Apprenons à nous supporter les uns les autres. La parole de Dieu nous exhorte à cela, à nous supporter les uns les autres. Mais ça, là, c'est un enseignement qui n'est pas acquis pour automatiquement. On doit y travailler. Puis on s'est engagé à travailler à cela. On s'est engagé à cela. Mais toujours prêt à la réconciliation et selon l'exhortation du Seigneur, à la rechercher avec empressement. Alors, joignons-nous les coudes, marchons d'un même pas. Et comme il dit dans Amos, convenons ensemble de marcher par ces règles-là. Et puis, il va se passer des belles choses dans l'Église. Puis, ça va être agréable d'être membre de l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Et le dernier, nous nous engageons encore une fois, le mot « engager », nous nous engageons encore à ne pas négliger de nous joindre, si possible, à une autre Église. On a mis ça dans notre Constitution. Il y a des gens qui viennent ici, mais ils ne resteront pas toute leur vie ici. Et puis, c'est important l'Église locale. Puis, pour nous, c'est important que si jamais tu quittes l'Église pour une raison valable, pas parce que tu as une crotte sur le cœur, mais pour une raison valable, tu déménages, ta vie prend une autre direction, puis tu t'en vas à Chibougamau, bien, il y a une église à Chibougamau. Viens-t'en pas ici à tous les dimanches. Reste à Chibougamau, parce que tu ne feras même pas le voyage dans la journée. Alors, va-t'en là-bas, joins-toi à l'église là-bas, associe-toi avec eux autres, puis eux autres, ils vont nous contacter parce qu'ils vont vouloir savoir et avoir l'assurance que tu es quelqu'un qui a marché fidèlement dans ton église locale à Victoriaville. Puis nous autres, on va être tristes de te perdre, puis on va leur envoyer une lettre, puis on va les féliciter de t'accueillir, puis on va leur dire, dans la mesure du possible, tes forces. Où est-ce que tu es? Tu auras ton plein épanouissement parce qu'on va te connaître, parce qu'on va s'être frotté beaucoup ensemble. Alors, on a des engagements ensemble. Une église locale, c'est une communauté qui s'engagent les uns envers les autres. C'est pour ça qu'on ne quitte pas l'église locale sur un coup de tête. C'est pour ça qu'on ne se promène pas. Moi, ça me fait toujours drôle. Je ne peux pas dire que c'est drôle. Ça m'attriste de voir que des gens magasinent une église, comme si on pouvait magasiner ça. Ça ne fait plus d'affaires dans mon église, je vais aller dans l'eau. Non. Non. Ce n'est pas ça, l'église locale. On s'engage ensemble. Alors, chers frères et sœurs, membres de l'église baptiste évangélique de Victoriaville, je voulais qu'on revise ça ensemble et qu'on comprenne ce à quoi on s'est engagé. Toi qui considères devenir un membre de l'église baptiste évangélique de Victoriaville, je voulais que tu saches dans quoi tu t'engages. Que c'est une alliance. Puis, toi qui as des doutes sur le fait d'être membre d'une église, viens nous voir, ça va me faire plaisir. Puis, il y a d'autres membres d'une église qui vont être fiers, puis ils vont être heureux de te montrer pourquoi que c'est important que tu te joignes à une église locale. Je vais revenir là-dessus dans un autre message sur la place de l'église locale dans le Nouveau Testament. Mais c'est important, c'est Dieu qui a mis en place l'Église locale. Et c'est important de marcher dans les voies que Dieu a mis en place. Dieu n'a pas mis ça parce que ce serait quelque chose, ça ne devrait être pas pire. Non, parce que c'est essentiel. Et joins-toi à l'Église si tu ne l'es pas. Puis si tu es déjà membre de l'Église, relis ton document. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que tu vois dans quoi tu t'es engagé, tu vois dans quoi tes frères se sont engagés. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Bien, on a convenu de marcher ensemble, que Dieu nous donne de marcher selon la convention, le pacte qu'on a pris ensemble, et que Dieu nous donne d'être à Victoriaville une église qui glorifiera Dieu d'un bout à l'autre de la ville et de la région. Que Dieu nous donne d'être une église de Jésus-Christ selon le plan biblique. Courbons-nous dans la prière. Merci Seigneur de la grâce que tu nous donnes d'avoir une église à Victoriaville qui aime ta parole, qui veut propager ta parole, d'avoir une église où est-ce que les membres peuvent se serrer les coudes ensemble, convenir ensemble, de faire des choses ensemble pour ta gloire, peuvent convenir ensemble de marcher d'un même pas pour la gloire de Christ. Merci Seigneur pour l'église baptiste évangélique de Victoriaville. Donne-nous d'être une lumière. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être le sel de la terre dans Victoriaville, dans la région des Bois-Francs, dans la MRC d'Arthabasca, et que ça puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur Dieu. Donne-nous d'être une église que tu seras fier. On veut te plaire, Seigneur, en tant qu'église. Aide-nous à être trouvés fidèles à nos engagements, qui, comme on l'a vu ce matin, te glorifieront. Merci, Seigneur Dieu, pour l'Église de Victoriaville. Merci pour chacun des membres de l'Église de Victoriaville. Merci pour ceux qui considèrent devenir membres de l'Église de baptiste évangélique de Victoriaville. Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas encore cette vision de voir que nous sommes un peuple qui veut vivre pieusement pour Jésus-Christ, puis qui souhaite se joindre à nous pour glorifier ton nom dans Victoriaville, dans la MRC d'Arthabasca, dans les Bois-Francs et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ, mon bien-aimé Sauveur. Amen.